Fadjet. 40 ans, 40 heures de live. Happy birthday. Votre soirée se poursuit sur 94.2 FM en DAB+ et sur l'appli Radio Player France. Il est 23h. Tous les samedis soirs à partir de 22h, Party Night, de la dance, de la house et de la techno. Retrouvez aussi l'agenda, la nouveauté et le coup de cœur. Seb et Davy vous donnent rendez-vous le samedi de 22h à 23h dans Party Night. En 2025, Fadjet fête ses 40 ans. Et oui, ça fait bizarre de se réentendre avec les anciennes émissions. 40 ans, pas... hein. 40 ans quand même. Hein. Exactement, 40 ans. Eh bien, on va pouvoir envoyer pour la deuxième heure. On est reparti pour la deuxième heure ? Tout à fait, deuxième heure. On est reparti avec pas mal de belles choses encore à vivre dans cette heure. On aura pas mal... on aura le son. Je cherche ma petite feuille à 716 avec le Eyes on Me. Il est bon ce son. On aura un classique aussi, Benassi Bros, ça dit quelque chose ? Tout à fait, bien Benny sûr. Benassi, la période des années 2000. Exactement. Eh bien, on va se jouer Illusion. Illusion, on aura le son de Marnik aussi avec Home Island. Et tout de suite, alors ce son, c'est un phénomène. Hein. Anima, c'est un DJ qui se produit régulièrement un peu partout dans le monde avec des effets visuels. D'accord. Ses shows sont à chaque fois complets. Il a collaboré avec la chanteuse Ellie Goulding. Ellie Goulding bien qui est archi connue. Hein, tout à fait. Avec notamment Calvin Harris assez souvent. Oui. Le titre s'appelle Euphoria et c'est une petite pépite. Allez, on monte le son. C'est les 40 ans de Fadjet en mode EDM jusqu'à minuit. Just perfect chemistry, like heaven touch, you leave a mark on me. EDM Fadjet, Mathieu G. Be your illusion. to make you happy tonight. Enjoy this trip with me. I wanna be your emotion. Be your emotion. Why don't you turn off the lights? Imagine how we could be living. Fadjet sur 94.2. Fadjet, les meilleurs sons club mixés par Mathieu G. You are the ghost in my mind. Make me lose sense of time when you keep me up all night. You are the ghost in my head, my fear and my friend. Through the darkness side by side. You are the ghost in my mind. Make me lose sense of time when you keep me up all night. Side by side.

À l'instant, l'excellent son de Marnik avec un Neelink. Le son s'appelle Home Island. De quoi s'ambiancer ? Ah oui, tout à fait, ça bouge bien. Ah, ça là, bouge on bien. Commence là. À monter sur on les est en train bébés. D'accélérer petit à petit le rythme. Ça te plaît ? Ah oui, c'est clair. Eh bien, ensuite, on aura le son de Bennett aussi. Bennett hein, qui tape pas mal. Oui, c'est avec... DJ allemand qui reprend pas mal de son français d'ailleurs. Oui, avec pas mal de reprises de titres bien connus. Ouais, ouais, ouais. Eh bien, on va jouer son nouveau son Fade Away dans quelques instants. On aura Robin Schulz avec Siri de John Martin pour l'excellent World Gone Wild. Un classique aussi de Bob Sinclair. Et là, direction Ibiza avec Jaden Bunchen, Del Guetta pour l'excellent son de Let's Go. Tout à fait. C'est et vous êtes. Oui. Allez, et vas-y. Vous... et vous êtes dans les 40 ans de Fat Jet. Là, on continue avec le son EDM jusqu'à minuit avec Mathieu G au platine. I had the wildest dream last night in Ibiza, right across from Ushuaia. There was a fucking DJ in the bathroom. It's 9 p.m. on a fucking Friday. It's 9 p.m. on a fucking Friday. Get the fuck, get the fuck. It's 9 p.m. on a fucking Friday. It's 9 p.m. on a fucking Friday. Get the fuck up. We're going to high. Let's go. Let's go. Fuck, let's go. We're going to high. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. We're going to high. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. We're going to high. Let's go. It's 9 p.m. on a fucking Friday. Get the fuck up. We're going to high. Let's go. En Lorraine sur 94.2 et partout en Europe sur le net, www.fadjet.net. Go ahead and play.

Cœur de la nuit qui débute tout doucement avec Mathieu G pour EDM Fadjet. Avec un classique, un instant, le classique de Bob Sinclair, le World Hold On, sorti au début des années 2000. Tout à fait. Et on va poursuivre toujours avec toi. Tout à fait. Alors, Mathieu, tu sais qu'en fin d'émission, on aura le son festival. Oui. Le son festival, c'est le petit son avec un drop, tout ce qui est réuni pour s'ambiancer, histoire de se lâcher en festival. Tout à fait. Et bien, ce soir, allez, je n'en dis pas plus, mais ce soir, on va aller dans le hardstyle. Ah. On a des heureux en studio, on a des heureux. En attendant, on va retrouver Kevin Debré avec le son de Métro. Et tout de suite, le son de Kaiz pour la reprise de Destination Calabria. Eh bien, vous êtes sur Fadjet dans les 40 ans et 40 heures de live. Montez le son de votre radio, c'est le mode clubbing. Destination Calabria. Son club mixé par Mathieu G. Fadjet sur 94.2. And I never felt so alive, I'd fall. EDM Fadjet, Mathieu G. Et c'est avec Paul Kalkbrenner qu'on termine bah, 7 heures de mix. Hein. Paul Kalkbrenner, pareil, un gros DJ en matière de techno. Oui, un bon DJ. Et donc, chose première, chose due, le son festival donc, pour terminer cette émission, comme à chaque fois. Et bah, direction les Pays-Bas et la Norvège, deux pays à la fois, avec Alessandra Quinn, c'était la finaliste de la Norvège Eurovision 2023, remixée par le duo Datuikas. Datuikas, ah oui, ça dit quelque chose ? Bien sûr, le duo incontournable. Il faut les voir en live. Hein. Ah oui, ils sont c'est très... quelque chose en live. Ils sont un peu déjantés. Complètement, ouais, ouais. Déjantés. Et vous allez voir, bah, le remix est tout simplement bon. C'est avec ce son qu'on termine cette EDM Fadjet. Davy, merci de m'avoir accompagné de dans rien, cette émission. Avec grand plaisir. Et on va continuer donc ensuite avec toi. Tout à fait, à partir de minuit jusqu'à 3h avec le son de Club Sensation et je serai accompagné de DJ Chronos. La nuit ne fait que commencer. Exactement. Et je tenais aussi à remercier bah, tous mes fidèles auditeurs de EDM Fadjet. Ils se reconnaîtront. Merci d'être si nombreux à chaque émission. Heures de live, 40 ans pour Radio Fadjet. EDM Fadjet jusqu'à minuit. We'll be right back. Eh bien, à l'instant, c'était bien sûr EDM Fadjet pour son set vraiment excellent. Et donc, on pourrait le retrouver bien sûr tous les samedis à 21h. Sur 21h et 22h, tous les samedis soirs. Merci à tous. Merci à toi. Eh bien, on est toujours dans la partie club de ces 40 ans de Fadjet. Eh bien, dans quelques instants, nous allons pouvoir attaquer avec Club Sensation. D'ailleurs, nous avons Mickaël qui est avec moi. Tu peux prendre le micro. Alors, quel plaisir de te revoir. Eh ben, écoute, oui, ça fait très très longtemps que j'ai pas mixé. J'étais sur Fadjet pendant très très longtemps. Et puis, par manque de temps, j'avais un petit mètre de côté. Et quand tu m'as rappelé pour dire, il y a les 40 ans. Ouais, ouais, je viens, tout de suite. On va se faire allez, 5 heures de mix. Ah non, on a que 3 heures. Ah, c'est pas assez.